Pratis. Soudain ta voix, à la radio, revenante d'anciens voyages, fait d'amis et de rencontres, et de deuils, et tes images étranges de fleurs philosophes et de poissons fées, entre traditions et mystiques, liens et alliances flottantes, ton âme polyglotte. Voici que je connais même tes projets, sans avoir à dire bonjour. Comment vas-tu? Que deviens-tu? Et ce poème que tu ne liras jamais, qui n'est pas poème, égaré d'écriture, sœur des errants, Jérémie en deuil d'une île, Hölderlin de l'Orient. Et pourtant, tout ressemble à l'avant, sauf peut-être le mur du temps, le mur des images que nous voulions franchir, la zone bleue, la crevasse d'Alexandra dans le mur de son rêve. Même la musique est la même, exactement celle de cette autre radio, clandestine, interdite, où la poésie tentait d'installer ses silences. Est-ce que je veux te revoir, allié des solitaires? Je ne sais, qui peut rester en paix, à part le grand recueillement, ce silence, cette nuit, cette absence. Bon voyage donc. Le passé embrasse son nom sans pluche, et l'avenir est l'infini, au creux d'une inféa.